Ce panneau indique la position d'un passage à niveau qui n'est muni ni de barrière ni de demi-barrière. La présence du panneau est donc importante car les rails sont parfois difficiles à repérer. La priorité est toujours donnée aux véhicules sur rails. Il est donc indispensable de regarder à gauche et à droite pour savoir si un train arrive. En général, en ville, sur ce type de passage à niveau, les trains passent lentement et sont parfois accompagnés par des convoyeurs. Même si aucun train n'arrive, je passe doucement. Réponse A, C